Un long fleuve tranquille, ou pas. Les amoureux vivent pour l'instant dans le petit deux-pièces de Gilles, situé au nord de Lausanne. C'est tout près de l'aérodrome de la Blecherette, d'où l'on peut voir des petits coucous décoller à la belle saison. Le premier week-end de septembre, l'agence qui gère ce groupe d'immeubles ultramodernes organise une journée portes ouvertes. Le couple s'y rend par curiosité. Faustine aime toujours autant visiter les appartements. Le 4,5 pièces qu'on leur montre est sensationnel. Immense salon, cuisine équipée, 2 salles de bain, 3 chambres, vue partielle sur le lac et les Alpes. C'est une pure merveille. S'ils cumulent leur salaire, ils devraient parvenir à payer le loyer démentiel exigé. Aussitôt vu, aussitôt pris. Étant donné qu'il est loué plus cher que l'autre par la même gérance, Gilles et Faustine n'ont pas à donner de congé et peuvent emménager de suite. Le contrat de Faustine au Crédit Lyonnais n'étant pas terminé, c'est Gilles qui se charge de tout. Opticien diplômé, il gère la succursale d'une chaîne importante dans le centre commercial d'en face. En quelques minutes, il peut être à pied d'œuvre et, en ce qui concerne les travaux manuels, il est incroyablement efficace. En quelques heures, il a emballé leurs affaires, puis, le samedi suivant, aidé d'un ami, ils ont au fait de passer les meubles à moitié démontés d'un immeuble à l'autre. Après les avoir remontés, il a immédiatement posé les lampes, réorganisé le salon, rangé les salles de bain, installé la salle à manger, le tout avec beaucoup de sens pratique. Faustine, de son côté, a pourvu au financement et investi ses dernières économies. La jeune femme installe son bureau dans la chambre d'amis. Au final, ils sont ravis du choix de leur nouveau nid et vont fêter cela au restaurant. Après cette mission, Faustine tentera d'obtenir des mandats à domicile. Gilles et Faustine participent aux séances alcooliques anonymes plusieurs fois par semaine. Telle la plupart des alcooliques qui ont expérimenté le miracle de leur rétablissement, ils sont tout feu tout flamme et n'ont qu'une envie, transmettre le message à l'alcoolique qui souffre encore, ainsi que le stipule la 12e étape du programme AA. Un des moyens les plus efficaces de le faire, en dehors des groupes, c'est d'assurer la permanence téléphonique. Dès leur retour de vacances, le couple se met sur la liste d'attente. Il fait installer une seconde ligne afin d'être sûr de ne rater aucun appel. Parallèlement, Faustine et Gilles reprennent leur soirée porte ouverte spaghetti du vendredi soir, sitôt que leur cuisine est opérationnelle. Avec Katia, Bruno et Marseille, ils mettent en place l'ouverture d'un nouveau groupe. Il faut trouver une salle, préparer la documentation et organiser les premières séances. C'est un immense travail pour lequel ils ne sont pas trop de 5. Marcel s'est renseigné auprès de l'intergroupe. Tout devrait bien se passer. Gilles et Faustine ont fixé la date de leur mariage au 16 octobre. Ils ont lancé les invitations destinées aux rares personnes qu'ils peuvent se permettre d'inviter, étant donné qu'ils n'ont pas un rond et que tout repose sur les épaules des parents du fiancé. Faustine souhaite que Sylvie, son amie de toujours, soit son témoin. Les deux femmes se téléphonent longuement. Sylvie accepte avec joie. Elle est ravie de ce petit voyage à venir. Malheureusement, ils ont mis la charrue avant les bœufs en lançant les invitations avant d'appeler l'état civil. Car lorsque Gilles parvient enfin à les joindre, on leur annonce qu'il n'y a plus de place pour le jour choisi. Ils sont obligés d'attendre le 23 et Sylvie n'est plus libre. Elle renonce à venir, la mort dans l'âme. Qui dit mariage dit robe. À son âge, après un premier divorce et une maternité, Faustine ne peut décemment plus exploiter sa virginité en robe chantilly. Sa future belle-mère, Ellie, propose de l'accompagner à Berne où elle connaît une bonne maison de couture qui devrait pouvoir proposer quelque chose de raisonnable. Un samedi matin, les deux femmes montent dans le train pour la capitale. Faustine s'était réjouie de mieux connaître la maman de Gilles et surtout de l'entendre partager des anecdotes sur l'enfance de son chéri. Elle pensait qu'Ellie serait aussi disserte entre quatre yeux que dans son magasin au milieu de sa cour. Elle tombe de haut car son interlocutrice reste quasi muette tout au long des 2 heures de trajet. Elle se contente de rêver, les yeux dans le vague, répondant à peine aux questions de sa future belle-fille. Celle-ci n'en tirera ni confidence, ni partage un tant soit peu personnel. Cette femme ne souhaite manifestement rien livrer d'elle-même. Étrange. Faustine regrette de n'avoir pas emporté de livre. Arrivé à destination, il a fallu se farcir l'intégralité des arcades afin qu'elle y puisse admirer toutes les boutiques de fleurs bernoises sans exception. Sa seule passion, son seul intérêt dans la vie, à part les potins, ce sont les fleurs et les arrangements floraux. Cette fois, Faustine l'a bien compris. De plus, pompons sur le Queen Amman, on n'aura même pas l'occasion d'aller au restaurant, car il a été décidé dès le départ qu'on se contenterait d'un sandwich sur le pouce. Pusillanimité ou avarice? Impossible de le définir. Enfin, après 2 heures de marche en zigzag et 50 léchages de vitrines florales, Beldoche et Belle-Fille arrivent devant le magasin de robes de mariée. La mode suisse allemande ne correspond pas tout à fait aux critères de Faustine en matière d'habillement. Mais elle essaye de faire bonne figure et finit, après beaucoup d'efforts, par trouver un petit tailleur crème tout simple. Il ne reste plus qu'à rentrer à Lausanne, toujours dans le plus grand mutisme. Lorsque maman apprend que Faustine va épouser Gilles, elle la convoque immédiatement dans son nouvel appartement de la rue de Lalle. Ayant eu l'occasion, lors de son propre déménagement, de faire la connaissance de son futur gendre, venue installer ses lampes, elle s'étonne du choix de sa fille. « Tu te rends compte que ce garçon ne t'arrive pas à la cheville intellectuellement ?»« Tu as vu sa taille ? 1,92 m, rit Faustine. » « Tu sais très bien ce que je veux dire. »« Oui, je sais, mais détrompe-toi. Moi aussi, je l'ai cru au début, mais en fait, il est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air. »« Si tu le dis, je le dis. » Et qui plus sait, il est incroyablement gentil et ne demande qu'à apprendre. Sans arrogance ni orgueil mal placé, il fera un excellent père, j'en suis sûre. Il est opticien, m'a-t-il dit. Exact. Il faut pas être complètement stupide pour faire ce genre d'études. Et il est très travailleur aussi. Au moins, tu auras tes verres de contact gratuits, c'est toujours ça de prix. Tu perds pas le nord. Mais t'es sûre que tu vas finir ta vie avec lui? Ouais, je suis bien décidée à tout faire pour que ça fonctionne. La vie m'offre une deuxième chance à 36 ans. J'ai pas l'intention de la laisser passer. Je l'aime, il m'aime et veut me faire un enfant. Que demander de plus alors que j'y croyais déjà plus? À ta guise, mais ne viens pas pleurer si ça se termine mal. Promis, je mettrai toutes les chances de mon côté. Je veux réussir ce mariage. Pour en revenir aux détails pratiques, je participerai en vous offrant l'apéro au palace après la cérémonie. C'est tout ce que mes moyens me permettent. C'est déjà très sympa, merci beaucoup. Vendredi soir, à la soirée spaghetti, Marcel se pointe triomphant chez Gilles et Faustine. Ça y est, j'ai trouvé un local. Génial, où ça? Sous la cure de Chamblande à Puy. Il y a une salle immense, bien aérée, équipée de tables, chaises et même d'un point d'eau. Le pasteur m'a contacté pour me donner l'accord du conseil de paroisse. On peut commencer début novembre. Formidable, ça nous laisse le temps de tout préparer. Comment on s'organise? Je propose que Katia s'occupe de la caisse et Faustine du secrétariat. Tu seras chargée de mettre à jour le classeur avec les dernières informations, de commander les livres et la documentation. Gilles pourrait s'occuper de l'intendance dans un premier temps. Le café, le thé, le sucre, etc. Il pourrait aussi être délégué à l'intergroupe s'il est d'accord. Ça vous convient? C'est une bonne répartition des tâches, réagit Faustine. On fera une rotation. Pas plus d'un an au même poste. Faustine se met au travail dès le lendemain. Elle élabore un classeur avec le béaba du déroulement des séances, les étapes, les traditions, les adresses de tous les autres groupes de la place, leurs horaires, les dates de réunion cantonale et nationale, les bons de commande pour la littérature. Le travail du secrétariat, elle connaît. Toute contente, elle annonce la grande nouvelle à maman. « Bravo, ma fille! Rien de tel qu'un projet comme celui-là pour motiver les troupes. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu deviens ?»« Tu ne devineras jamais où le chômage vient de me placer. » »« Raconte. » »« Au carton du cœur. » »« On est une équipe de 4. On prépare les rayons le matin et l'après-midi, on joue aux cartes en buvant des verres. » »« Des verres ?» Oui, enfin, je m'en tiens à la limonade. Et toi, toujours au Crédit Lyonnais? Encore quelques jours, je termine le 2 octobre. Le 1er octobre au soir, le patron de Faustine lui offre l'apéro au palace. On travaille ensemble pendant plusieurs mois, mais on ne se connaît pas, au fond, regrette-t-il dans l'ascenseur. Faustine apprécie, mais se trouve bien embêtée. Que répondre à cela? Ce n'est pas entre deux portes qu'elle peut lui parler de Julien, dont ce sera l'anniversaire de la mort demain, ni de son parcours d'alcoolique. Un jour, peut-être, sera-t-elle capable de parler de son fils sans que les émotions prennent le dessus, et de son problème d'alcool sans être submergée de honte. Mais ce n'est pas demain la veille. Faustine s'inscrit au chômage tout en réactivant son dossier chez Adia. Elle explique à la responsable qu'elle pourrait tout à fait travailler à domicile, vu qu'elle est équipée correctement. La gérante de l'agence va voir ce qu'elle peut faire. Il est vrai que cela arrangerait bien certains de ses clients. De fait, très rapidement, Faustine enchaîne les mandats. Certains d'une journée seulement, d'autres d'une semaine. Un jour, on lui demande d'aller chercher le travail à faire chez un jeune homme qui vit au Diable Vauvert, dans la campagne vaudoise. Après une bonne heure de route, Faustine est accueillie par un jeune homme bizarre. « Faustine, c'est ça? Vous voulez bien me faire un café ?» La jeune femme, un peu interloquée, obtempère néanmoins. Elle finit par trouver une bouilloire dans un incroyable embrouillamini bordélé. Cet exploit accompli, son patron, Jérôme, passe un long moment à chercher ce qu'il pourrait lui donner à faire. Il tente en vain d'allumer un ordinateur, de faire fonctionner une imprimante. Il ne trouve pas non plus le papier qu'il a rangé quelque part, pas plus que le sujet de sa lettre. Il finit par dire à Faustine que son plus gros travail consiste à écrire des lettres au magasin pour se plaindre d'une malfaçon, d'une erreur d'étiquetage ou d'un produit défectueux. Dans 90% des cas, le magasin en question lui envoie en dédommagement une certaine quantité du produit en question. Voilà pourquoi il a besoin d'une secrétaire, mais il ne trouve plus les adresses. « Est-ce que vous voudriez bien me conduire à Lys ?»« C'est où ça ?»« Dans le canton de Berne. »« Vous verrez, c'est pas loin, à 1 heure de route d'ici. »« Je dois aller voir un photographe de mes amis. » Et Faustine de jouer les chauffeurs, frais de sens à sa charge. En chemin, Jérôme lui raconte sa terrible enfance. Maltraité par sa mère, abusé par son père, il ne s'en est jamais remis. C'est la première fois que Faustine se trouve face à un être aussi démuni. Que dire à part compatir? Peu à peu, elle sent un malaise l'envahir. Ce garçon est-il normal? Peut-on le laisser dans cet état? Il devra se faire soigner. Elle essaie de savoir s'il a d'autres parents, oncles, tantes, frères, sœurs qui pourraient l'aider, s'il fréquente un psychiatre. Mais l'autre continue son quasi-monologue sans répondre aux questions. Alice, Jérôme endosse un rôle de connaisseur et bavarde 2 heures durant avec son ami photographe. Il aimerait mettre au point un très grand projet et aurait besoin de ses services. Il s'agit d'une campagne publicitaire qui rapportera des millions. L'autre, dubitatif, ne s'avance pas, ne promet rien. Jérôme souhaiterait recevoir des maquettes, un devis, mais lutte quand il s'agit de verser des arts. Pour finir gentiment et conduit par son ami, il demande à Faustine de bien vouloir le déposer dans un tout petit village près de Berne où les services sociaux lui louent un appartement dans lequel il doit récupérer quelques affaires. Faustine râle un peu pour la forme, mais obtempère une fois de plus. Quelle drôle de mission! Enfin, si on la paye pour se promener, pourquoi pas? Dans ce village, la jeune femme est priée d'attendre à l'auberge que Jérôme la rejoigne sitôt qu'il aura terminé. 2 heures plus tard, Faustine commence à la voir saumâtre, d'autant que lorsqu'il vient enfin la trouver, c'est pour lui dire qu'en fait, il dormira chez lui. Faustine peut rentrer chez elle. La pauvre! Furieuse et frustrée, la voilà qui se fourvoie dans les embouteillages de la périphérie bernoise, entre les travaux, les sorties de bureau et les sens interdits, avec en prime un brouillard à couper au couteau. Il ne lui faudra pas moins de 3 heures pour rentrer chez elle. Gilles s'est inquiété. Faustine pleure de fatigue. Le lendemain matin, elle reçoit un coup de téléphone de la tutrice de Jérôme. Celle-ci lui explique qu'il s'est enfui du centre psychiatrique où il était soigné pour mythomanie sévère. Il a contacté Adia pour s'amuser. Il va sans dire qu'il ne paiera jamais l'agence. Faustine acceptera-t-elle 200 francs en dédommagement? Elle serait sympa de ne pas porter plainte pour abus de confiance. Bien sûr, je comprends très bien. Et non, je ne porterai pas plainte. Faustine raccroche, vexée de s'être fait avoir. Quelle naïve! Gilles lui expliquera qu'elle n'est fautive en rien. Les mythomanes sont très forts pour tromper n'importe qui. C'est leur métier en quelque sorte. Allons, il faut oublier cette histoire et aller de l'avant. Un jour, on en rira.